que ça va bien? Le son, il est correct? Oui, non? Non? Plus proche. Puis là, c'est-tu mieux? D'accord. Alors, ouais, c'est pas moi qui est supposé de prêcher ce matin, c'est mon ami, mon frère, mon bien-aimé Gilles, mais il a attrapé la COVID lors de son séjour à Trois-Rivières, fait que, bon, je l'ai déjà vu plus en santé, là, mais ça va se replacer. Fait que pour ce matin, donc, je le remplace, et bon, c'est peut-être pas une mauvaise affaire dans un sens, là, vous déciderez, mais dites-moi-le pas. On est dans la continuité des bénédictions de Jacob. Puis le titre, c'est aujourd'hui, Genèse 49, c'est l'avant-dernier chapitre. Le prochain chapitre, Jacob va mourir, puis là, on va passer à d'autres choses. J'aimerais que le focus demeure quand même sur le fait que ce qui arrive là, présentement, c'est que Jacob va mourir, puis c'est le début d'une nouvelle ère qui va durer 2000 ans. On finit 2000 ans, puis on commence une nouvelle ère qui va durer 2000 ans, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Mais on commence une nouvelle ère terrestre, mais en même temps, l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. Puis donc, le titre que j'ai choisi, « Une nation éternelle ». Fait que je vais sortir un peu dans la présentation ce matin, là, dans la prédication, je vais sortir un peu pour élargir ce qu'on est en train de regarder vers ce que Dieu a fait avec Israël, ce que Dieu est en train de faire avec Israël, puis ce que Dieu va faire avec Israël, OK? Puis avec nous. C'est bon? Fait que, pour faire Genèse 49, il va falloir revenir un petit peu en arrière un moment donné, mais juste avant, je vais faire un retour sur le chapitre 48. Après, je vais parler des 12 tribus, les bénédictions de Jacob sur les 12 tribus. On va parler du fait que Jacob reconnaît que toute sa vie, c'est l'œuvre de Dieu. Puis tout ce qui va arriver, c'est l'œuvre de Dieu. Clairement, Jacob reconnaît, ou le texte reconnaît, Dieu nous montre, que Joseph, là, c'est celui par qui Dieu a choisi de rassembler le peuple d'Israël, puis de le rassembler dans un endroit protégé pour en faire son peuple. Et ça va commencer avec la fin de Genèse, puis ça va recommencer 400 quelques années plus tard, avec Exode. Et aussi, dans les mêmes bénédictions, Judas nous est présenté comme la tribu, et non pas une personne, mais comme la tribu par qui va venir le Messie. Fait que c'est intéressant. Puis, à quoi ça sert à nous? Ben, c'est important qu'on sache d'où on vient. Juste d'avoir fait Genèse, là, il me semble que ça met en lumière, en tout cas pour moi, ça met en lumière bien des choses que les prophètes ont dit, bien des choses qui sont arrivées après Genèse, que quand on saisit vraiment ce que Dieu a fait dans cette partie-là, puis ce que Dieu a annoncé dans cette partie-là, c'est tout le reste qui suit, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit au travers de l'histoire. OK? Fait qu'on va aller sur ce terrain-là. Mais, donc, pour revenir à ce qu'on a dit, je reviens un petit peu sur la semaine passée, là. Psaume 100, il est écrit au verset 3, « Sachez que l'Éternel est Dieu. » Et dans Genèse, conclusion de Jacob, c'est que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, puis on lui appartient. Israël, c'est ce qu'il va dire. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a amenés ici, on lui appartient. Ils ont bien de la misère à le saisir, ils vont même l'oublier pendant leur histoire, mais ça ne change pas Dieu. On vient de le dire, Dieu est fidèle, même si nous, on n'est pas fidèles, Dieu demeure fidèle. Et nous sommes son peuple, Israël pouvait le dire, nous pouvons le dire, et nous sommes le troupeau de son pâturage. Et même le psaume 23 va parler de la bénédiction, David va parler de la bénédiction éternelle, le pâturage dans lequel Dieu nous garde. Alors, pour dire ça ici, il faut qu'on lui appartienne. Pour lui appartenir, puis bien que vous le savez, vous, quand même c'est enregistré, puis le PowerPoint est quand même sur le disponible. Pour lui appartenir, il faut confesser de notre bouche que Jésus est Seigneur et croire vraiment dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est le seul chemin qui mène au salut. Mais que Dieu l'a ressuscité des morts, il faut que je croie que Dieu existe. Et si je ne crois pas que Dieu existe, si je ne crois pas que Dieu a créé toutes choses, si je ne crois pas ces choses-là, ben, je ne croirais pas non plus que Jésus-Christ est vraiment Dieu incarné. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu incarné, et que Dieu l'a ressuscité. Tout va avec Dieu existe, Dieu a tout fait, Dieu est en contrôle de tout. Alors l'exhortation, puis je répète, même pour nous qui sommes sauvés, crois au nom du Seigneur Jésus, ouais, confie-toi en lui. Mets toute ta confiance en lui. C'est ce que j'aimerais qu'on retienne de ce qu'on a vu dans Genèse, en fait. Là. Alors, c'est un petit peu un repeat, là, je sais, mais il y avait des personnes qui n'étaient pas là la semaine passée, donc c'est une bénédiction pour vous, peut-être. On était à la fin d'une longue histoire, là, ça fait 2000 ans là où on arrive. Puis Dieu a fait une promesse éternelle à Abraham, puis on voit que Dieu a tenu sa promesse de Abraham, Isaac, Jacob, et maintenant le peuple d'Israël. Jacob va l'avouer, on va le voir. La famille de Jacob est réunie, ça a été difficile, mais elle est réunie, elle est en sécurité en Égypte. Joseph est le gardien d'Israël pendant qu'ils sont en Égypte. Puis Jacob, bien qu'il ait eu une vie difficile, les 17 dernières années de sa vie, il est heureux. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit Ecclésiaste. Et lui, ben, il est heureux. Et il va mourir en paix. Et là, il est malade. Il va mourir, chapitre 48. Alors, si on revient chez chapitre 48, je ne vais pas tout le refaire, mais ce qu'on doit retenir du chapitre 48, c'est que quand Jacob va commencer à bénir ses enfants, il commence par Joseph. Et il va bénir les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Manassé, c'est le plus vieux. Éphraïm, c'est le plus jeune. Joseph vient avec ses enfants et Jacob va les bénir. Et quand il va les bénir, il va adopter Éphraïm et Manassé. Il dit à Joseph, « Tes deux plus vieux, c'est mes fils, je les prends pour moi. » Et les autres, ils vont être distribués dans le partage que les 12 tribus vont avoir quand ils vont rentrer dans la terre promise. Mais les deux plus vieux, Manassé et Éphraïm, vont avoir part à l'héritage. Ils deviennent co-héritiers des fils de Jacob, au même titre que Joseph. Mais Joseph est retranché. Et c'est ses fils qui sont là. Mais en même temps, Éphraïm et Manassé, Jacob va inverser la bénédiction d'Éphraïm et Manassé. Et Éphraïm va être béni le premier. Donc, le droit d'aînesse qui appartenait à Ruben est maintenant transféré à Éphraïm. Ruben perd son droit d'aînesse. C'est Joseph qui l'a. Mais dans la bénédiction, Jacob bénit Éphraïm. Et c'est Éphraïm qui devient qui a le droit d'aînesse sur la bénédiction que Jacob va faire. Alors, et il est béni ce jour-là. Et il dit, c'est par toi, Joseph, qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Joseph est retranché. Les fils de Joseph sont adoptés par Jacob. Il y avait un lien ici qu'on a fait la semaine passée. Ils deviennent co-héritiers. Jésus a pris notre place. Il est le Fils de Dieu. Et à cause du sacrifice qu'il a fait, à cause du sacrifice qu'il a fait, c'est ça. Nous, en croyant en lui, on devient co-héritiers avec Jésus. Et on a toutes les bénédictions de Dieu qui retombe sur Jésus, on est en partage avec lui. Abraham, bien qu'Ishmaël est né le premier, c'est Isaac qui a la bénédiction. Isaac, bien que Ésaü soit né le premier, c'est Jacob qui a la bénédiction. Jacob prend la place, Joseph, premier-né de Rachel, va prendre le droit d'aînesse de Ruben, qui est premier-né de Léa, qui est arrivé bien avant Joseph. Jacob va inverser la bénédiction, il la donne à Joseph, mais parce que Joseph est retranché, c'est Éphraïm, son fils, qui a la bénédiction. Et donc, on va parler de Abraham, Isaac, Jacob, Éphraïm. C'est de là qu'on va. Et Éphraïm va être souvent utilisé, le nom d'Éphraïm, à la place de Israël, quand le territoire va être partagé. Il va y avoir Juda et Israël. On peut souvent c'est dit Juda et Éphraïm, parce que Éphraïm, c'est lui qui a le droit d'aînesse dans le territoire. Est-ce que ça va, tout le monde? Fait que c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, ce que ça faisait par rapport à la généalogie, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez là, mais la famille de Léa, Zilpa la servante, Rachel, puis Bila la servante, Joseph et Benjamin sont les derniers nés. Joseph, qui est là, va avoir deux fils, Manassé et Éphraïm. Jacob va les adopter et donner le droit d'aînesse à Éphraïm, ce qui fait que maintenant, en Israël, le droit d'aînesse, c'est Éphraïm qui l'a. Est-ce que ça va? Mais, quand on lit les prophètes et autres, des fois, Éphraïm n'est pas mentionné dans les tribus, c'est Joseph qui est mentionné. Joseph, Éphraïm, c'est pareil. Joseph, Éphraïm, Israël, c'est pareil. Est-ce que ça va? C'est intéressant de savoir ça parce que quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez les rois, chroniques ou autres, des fois c'est mêlant parce que quand ils parlent d'Éphraïm, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bien, peut-être qu'ils parlent d'Éphraïm, la tribu, mais peut-être qu'ils parlent d'Israël versus Juda. OK, ça va jusqu'à là? Les 12 tribus, chapitre 49. Et là, je vais prendre une petite pause et je vais lire le texte, OK? Genèse 49, verset 1, parole de Dieu. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. » Il vient de la donner au chapitre 48 à Éphraïm, à Joseph, Éphraïm. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Hazar produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions d'en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. « Je vais être recueilli auprès de mon père, de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. » Donc, on voit les bénédictions des différentes tribus, puis on voit aussi la fin de Jacob. D'accord? Donc, les bénédictions de Jacob. Jacob appelle ses fils, il dit « Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. » Ce qui suit après, ça se demandait, le « Écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père », c'est comme si Dieu parlait au travers de la bouche de Jacob dans ce qu'il va dire. Et là, il va y aller selon les rangs. Fait que, il commence par les fils de Léa, Ruben. Et ce qui est important ici, là, c'est que quand on va regarder les bénédictions, je dirais que sauf pour Judas et Joseph, c'est vraiment ce qui va arriver à la tribu, mais de façon terrestre. Ça n'enlève pas les bénédictions éternelles. Mais en même temps qu'on voit ce qui se passe avec les tribus, on voit aussi Dieu annonce qu'il est présent et qu'il va être présent. Okay? Fait que pour Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Il a couché avec Bila, la servante de sa mère. Là, on pourra tomber dans un grand discours de pourquoi il a fait ça, comment c'est arrivé, c'est pas important. C'est qu'il l'a fait, puis il y a une conséquence. Siméon et Lévi, son frère, vous vous rappelez de Dinan, là, quand ils sont rentrés dans la ville, puis ils ont exterminé. Là. Aussi, on peut penser que quand Joseph a été vendu comme esclave, Siméon et Lévi étaient très impliqués dans l'affaire. Alors, je vais les séparer dans Jacob, je vais les disperser dans Israël. Quand on va regarder la répartition des territoires, c'est véridique. Lévi, là, c'est la tribu qui va servir pour la gloire de l'Éternel. C'est eux autres qui vont qui s'occupent des sacrifices, de tout ce qui est relié à, on va dire, à la religion en Israël. C'est eux les responsables, OK? Fait que c'est intéressant que Siméon, il va disparaître. On n'en parle pas beaucoup, mais Lévi va être présent toute l'histoire d'Israël, parce que c'est eux les sacrificateurs, c'est eux qui gèrent le temple, c'est eux qui font tout ça. Donc, ils vont être séparés. Et si je grossis, là, comme ça. Fait que Ruben est ici, Siméon est ici, puis si je grossis la carte ici, je ne sais pas si vous voyez les petits points rouges, là, sur la carte. Hein? Vous voyez les tribus? Vous voyez les petits points rouges, les verts? C'est les villes le refuge pour les criminels. Les points rouges, les points jaunes, ça, c'est les villes qui sont données aux Lévites. Ils n'ont pas de territoire à eux. Ils ont des villes, puis autour des villes, ils ont des terres. Et les gens, mettons, qui sont dans Zébulon, ben c'est eux qui vont entretenir les terres pour les Lévites, parce que les Lévites sont consacré à l'Éternel. Ça va? Mais ils n'ont pas de terre. Fait que Ruben est à l'extérieur, ici. Puis Siméon, il est ici, entouré de Judas. Puis les Lévites sont éparpillés. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Le premier roi d'Israël, c'est Saül, de la tribu de Benjamin. Deuxième roi, et tous les rois qui vont suivre, deuxième roi, David, et tous ses descendants, de la tribu de Judas. Et donc, quand il va prendre le contrôle, ça va être un petit peu long, ça prend 2-3 ans, j'ai oublié, pour David va être roi en Judas avant d'être tout le roi de tout Israël. Puis il va être roi pendant 40 ans. Après, ça va être Salomon pendant 40 ans. Puis après, le territoire va être partagé entre Judas puis le reste d'Israël. Mais Judas va dominer. Israël va disperser longtemps avant que Judas soit dispersé. Vraiment, la main de Dieu est sur Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Vraiment, Judas, c'est lui, de lui que vient le roi. Zabulon va habiter du côté des mers, c'est terrestre, puis sa limite de terrain. Issacar, comparé à un âne robuste, il est confortable là où il est, mais il va être assujetti. On n'a pas plus de détails. Mais c'est terrestre. Est-ce que ça va, tout le monde? Dieu a une bénédiction pour eux autres. Gad. Là, maintenant, c'est la servante de Léa. Gad et Hazar. Gad va être assailli par des bandes armées. Donc, il va, si vous vous rappelez, qu'il est de l'autre côté du Jourdain, entre Ruben et Manassé. Fait qu'il va être assailli par des bandes armées, mais il va se défendre. Hazar, lui, produit une nourriture excellente. Il fournira les mains délicates des rois. Bon, une vie paisible peut-être, je sais pas, là. Mais c'est sans conséquences éternelles, sauf que leur nom va demeurer éternellement. OK? Si on revient à ce qu'on a déjà partagé, Dieu, il fait des dons, Dieu place des personnes dans certaines positions. Et chapitre 48, jusque de 37 à 48, l'histoire d'Israël, c'est que c'est Joseph qui est dominant. Mais après, là, ça va être la tribu de Judas. OK? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est Judas? Pourquoi c'est ici? C'est Dieu a choisi comme ça. Gad et Hazar vont se reposer, d'une certaine manière. Joseph. Et ici, ce n'est pas Éphraïm et Manassé qui sont mentionnés, c'est Joseph. Parce qu'au chapitre 48, ils sont mentionnés, Éphraïm et Manassé, et la bénédiction est sur eux déjà, puis on sait qu'ils vont être nombreux et qu'ils vont être forts. Mais ici, dans les bénédictions, il faut comprendre aussi qu'au chapitre 48, quand Jacob parle avec Joseph, c'est Joseph et ses enfants, les autres ne sont pas là. Chapitre 49, il fait venir tout le monde. Et là, il parle à tout le monde. Et là, il va parler de Joseph. Okay? Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. À quoi ça vous fait penser quand vous lisez ça? Il est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Sûrement, hein? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, OK? Et tout ce qui va suivre parle de ça. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Il a été menacé dans sa vie, OK? Mais, verset 24, « Mais son arc est demeuré ferme, attaché à l'Éternel. » Il n'a pas failli. Il a gardé ses yeux sur l'Éternel et il a marché comme l'Éternel lui demande de marcher. Il a mis toute sa confiance dans l'Éternel. « Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. » Et je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Là. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Jacob, quand il parle de Joseph, il parle les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Est-ce qu'il n'y a pas un lien ici avec la personne de Jésus qu'on dit que Jacob voit chez Joseph quelque chose de au-dessus de lui. Et il voit plus loin que ça. Mais en même temps, là, il dit sur le sommet de la tête du prince de ses frères, Joseph, et prince aux yeux de Jacob, parce que dans le fond, il est prince même en Égypte, là, si vous voulez, hein, parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui autre que Pharaon. Là. Et Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Donc, les deux personnages, où est-ce que on voit qu'il y a un lien avec l'éternité, c'est Judas et Joseph. Et la servante de Rachel, Dan, lui aussi, il va avoir des combats, mais Dieu va le protéger. Puis Nephtali est une biche en liberté, profère de belles paroles. Wow. C'est très terrestre. Qu'est-ce que ça va? Donc, ils ont chacun une bénédiction sur eux, mais les bénédictions éternelles sont sur Judas et Joseph. Jacob reconnaît que c'est l'œuvre de Dieu, parce qu'il dit, en parlant de Joseph, fortifiez. En fait, quand il va parler à Joseph au chapitre 48, il va aussi raconter à Joseph que Dieu, avec qui a eu une vision au commencement, quand il est parti de Canaan pour s'en aller chez Laban, Dieu lui a parlé, Dieu lui a fait des promesses, il va les répéter à Joseph. Et là, ici, quand il parle à tous ses enfants, il dit, en parlant de Joseph, « Il a été fortifié par les mains du puissant de Jacob. » Comprenez que c'est l'œuvre de Dieu, ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Comprenez que c'est l'œuvre de Dieu, ce qui se passe avec Joseph. Et il va leur faire une promesse aussi, que Dieu va être avec eux jusqu'à la fin, là. Mais Joseph est vraiment un personnage à l'image de Christ. Il est demeuré ferme, il est devenu berger, rocher d'Israël. C'est pas vrai, Joseph? Berger, rocher d'Israël. C'est pas lui qui a protégé Israël pendant toute sa vie, jusqu'à temps qu'il meure. Il est protégé. Israël est protégé parce que Joseph est là et que Joseph a le respect de tout le peuple d'Israël. On va le voir au chapitre 50, là, aux funérailles de Jacob. Hey, c'est qui Jacob pour les Égyptiens? C'est personne. Sauf que c'est le père de Joseph. Hey, tout le monde va quitter le pays d'Égypte pour accompagner Joseph aux funérailles de Jacob à l'entrée de Canaan. Ça va être tellement une grosse fête que même les Canaanites vont dire « Wow! » Grosse fête, puis ils vont changer le nom du lieu à cause de ça. OK? Fait que Joseph est le berger, le rocher d'Israël. C'est qui le berger, le rocher d'Israël pour nous? C'est Jésus. Il dit au verset 26, « Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. » C'est Jacob qui parle. C'est qui le père de Joseph? C'est Jacob. Mais si on fait allusion à Jésus, le Shiloh qui doit venir... Son père, c'est pas Jacob, c'est Dieu. Puis la tribu de Judas. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ils vont se prosterner devant David. Ils vont se prosterner devant Salomon. Ensuite, dans les territoires partagés, ils vont se courber devant les rois en Juda. Ceux qui sont en Juda vont se courber. Mais il y a une allusion qui est faite. Hein? Juda est un jeune lion. Apocalypse, quand on réfère à Jésus, rejeton de David, on dit « Voici le lion de la tribu de Judas. » C'est lui qui devait venir. Il est déjà annoncé. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le roi David... engendre Salomon, et toute la descendance de Salomon va nous amener à Joseph, l'époux de Marie, qui va enfanter Jésus, qui est le Christ, le Shiloh. Dans Matthieu, c'est la généalogie de... Il vient du roi David sous Salomon. Il vient du roi David aussi sous le deuxième fils de David, les deux de Bathsheba, en passant. Jésus... quand il a commenté son ministère, fils de Joseph, fils d'Élie. Élie, c'est le père de Marie. Mais dans le mariage, puis Élie n'avait pas de fils, dans le mariage, tous les droits d'Élie passent à Joseph. Donc, Jésus, quand il vient, là, il est de la lignée royale de Judas. C'est ça qui est important. Quand il va revenir et qu'il va régner, il est de la lignée royale de Judas. De Judas vient David et de David vient Jésus. Et Philippiens 2, Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Lui, il a accepté de s'humilier lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Non seulement il est roi en Israël, il est le roi de tout. Il est le chef de toutes les armées. Il est le roi de l'univers. Tout a été mis sous ses pieds. C'est dit dans Jean 13, au début de Jean 13. C'est Matthieu 28, c'est répété. C'est répété à différents endroits. « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ça, c'est la promesse qui est faite au travers de Judas. Quand Jacob parle et qu'il prophétise sur Judas, c'est de ça qu'il parle. Et la fin de la bénédiction de Judas, le Shiloh, parce que si je retourne... Il dit au verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il, le Shiloh, attache à la vigne son âne, et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. » Jésus va parler de son sang, donner son sang, mais dans Apocalypse, c'est quasiment littéral là, ce qu'on lit ici. Là. Alors, Jacob voit de loin ce qui va venir. Alors, est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va? C'est vite? D'accord. OK. Fait qu'on est en train de lire Genèse, juste pour t'aider, là. Genèse, il y a 50 chapitres. C'est l'histoire de la création du monde et tout ce qui va se passer jusqu'au déluge, puis après le déluge, jusqu'à temps que Dieu se choisit un peuple qui commence avec Abraham. Il fait une promesse. Il fait une promesse à Abraham qui est donnée à son fils Jacob, qui est donnée à son fils, excuse-moi, à son fils Isaac, qui est transmise à son fils Jacob. Une promesse qu'Abraham va avoir une descendance qui va vivre éternellement. Mais cette descendance-là, elle est réservée à la promesse que Dieu a faite à Abraham et qui passe par Jésus éventuellement. D'accord? Fait que, géographiquement, quand on va commencer Exode, puis qu'ils vont sortir, parce que là, ils sont en Égypte, prends une petite pause. Là, ils sont en Égypte, Jacob meurt, Joseph va mourir pas longtemps après, puis là, ils vont être quelques siècles en Égypte, puis ils vont devenir esclaves des Égyptiens. OK? Et Moïse, Dieu va envoyer Moïse, un prophète, qui va venir les chercher pour les sortir d'Égypte, pour les amener dans la terre promise, la terre qu'on vient de regarder. Il va venir les chercher. Quand il va venir les chercher, ils vont sortir d'Égypte, mais s'ils avaient été obéissants, ça, deux semaines plus tard, ils auraient été dans la terre promise. Mais parce qu'ils sont désobéissants, ben, ils vont passer 40 ans dans le désert. Et là, dans le désert, Moïse va organiser les tribus autour du tabernacle, la tente d'assignation. Voici, ça, c'est la tente qui va servir de temple, ça, on appelle la tente d'assignation. Ici, c'est là qu'ils font les cultes, les sacrifices et tout. Puis autour, c'est les Lévites. Les Lévites sont ici, sont au centre. Fait qu'ils ne sont pas dispersés pour le moment. Ils sont au centre, puis les tribus sont autour. Ça, c'est dans le désert. Et c'est intéressant, dans le désert, Moïse va prophétiser sur Deutéronome 33. Moïse va prophétiser sur les tribus en ajoutant un peu d'informations, mais pas tant que ça. Mais ce qui est intéressant dans Deutéronome 33, c'est que Moïse ne parle pas de Siméon. Pourquoi il ne parle pas de Siméon? Parce que Siméon, là, Dieu a dit, Jacob avait dit à Siméon qu'il y aurait une conséquence. La conséquence, on va la voir un petit peu plus loin. Mais les tribus sont arrangées autour du tabernacle. Alors ici, les tribus, là, ça c'est Léa. Ça c'est Rachel. Puis ça c'est les fils, ça c'est Léa. Puis Gad, Dan, Asher et Naphtali, c'est les fils des servantes. Fait que Rachel est là, Léa est ici, les Lévites sont au centre, donc ça c'est toute Léa, ok? Ça c'est toute Léa, puis les servantes, les fils des servantes sont autour. Ça va? Ça c'est dans le désert. Donc l'importance que Dieu donne à l'ordre. Et quand on arrive dans le pays, ici, ça c'est basé sur Josué. Josué, chapitre 13 à 21, pour ceux que ça intéresse, nous dit comment le territoire va être partagé. Maintenant, ce qui est intéressant, pour l'avoir mentionné l'autre fois, mais je veux... Oups! Ce que je viens de faire... Voyons. Marche plus le truc? Tu penses? Ouais, t'as raison. Je vais pas y arriver. Ah, ben oui. Check. Eh, monsieur. OK, Siméon, là... Il est entouré par Judas. Et quand le partage se fait, quand on va lire dans Josué, quand le partage se fait, c'est que tout est distribué, mais Siméon n'a pas de territoire. Ben là, ils vont dire, OK, c'est beau, fait que Judas, t'en as grand, toi, fait que on va donner une partie du territoire à Siméon. Et donc, Siméon est dans le territoire ici. Ça va? Ça, c'est du temps de... Bon, est-ce que les territoires sont exactement comme ça, là? Il y a comme des petites anomalies, là. Je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais grosso modo, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Benjamin, Éphraïm, Manassé, ici, là, regardez l'espace qu'ils prennent. Éventuellement, la carte va changer, puis tout ça ici, ça va s'appeler Israël. Mais qui est dominant dans le territoire d'Israël? Ça, c'est Juda, ça va rester, mais ça va devenir Israël. OK, alors je vous avais parlé des Lévites. Ah, misère. Pas été à bonne place. Excusez-moi, fermez vos yeux. Et voilà, on est rendu là. Ça, c'est le territoire du temps de Salomon. Salomon, là, regardez, je vais le grossir. Regardez Damas, il est où? Il fait partie du territoire de Salomon. Regardez le Jourdain, il est ici. Regardez la grandeur du territoire de Salomon. Ça, c'est le territoire que Saül gérait. Le territoire en vert, c'est le territoire que David était roi, et ici, il le contrôlait avec son armée, OK? Fait qu'il le contrôlait. Mais Salomon va unifier tout ce territoire-là. Ça va? Ça, c'est dans la gloire vraiment d'Israël. Maintenant, aujourd'hui, non, il faut ce que je dise. Là, il va y avoir, le territoire va se partager, oui, c'est ça. Le territoire va être éventuellement, à cause de la division, quand Salomon va mourir, le territoire va partager. Fait qu'il va y avoir Roboam en Juda, puis Jéroboam, Israël. Donc, toutes les tribus vont se ramasser, soit sont sur le territoire de Juda, Siméon est avalé, puis soit ils sont le reste du territoire, OK? Tout le reste, c'est Israël. Mais regardez, le territoire, il n'est pas tellement grand, puis regardez ce qui est où, Damascus. Damas, il est là. Le territoire, il aurait petit, hein? Et là, ils sont là. Ensuite, va venir la déportation. En fait, excusez, Israël va être déporté, il va rester juste Juda. Ensuite, Juda va être déporté. Il n'y a plus personne. Ensuite, quand ils vont revenir de Babylone, tranquillement, ça va être juste une portion au nord ici là, du territoire. C'est quelque chose comme ça ici à peu près, là, que Juda va contrôler. Et ça va rester comme ça jusqu'au temps de l'Empire romain. Et là, voyez-vous, là, l'Empire romain, on a la Judée ici, qui porte le nom d'une tribu. OK, on sait qu'en Galilée, il y a aussi les Juifs. Mais ce n'est pas le nom d'une tribu. Okay? Il y a juste ici en Judée. Bon, après ça, en 70, les Romains vont détruire Jérusalem, détruire le temple, et le peuple va être déporté. Puis ici, la région, là, elle va changer de nom, ça va s'appeler la Palestine. Fait que tout ce qui s'appelle Israël, là, est disparu. Ah, il y a encore des Juifs, mais ils ne sont plus sous... ne sont plus sur aucune autorité ou aucune forme de territoire juif, on va dire. Ça, c'est Israël aujourd'hui. Regardez Damas, il est loin. Puis Israël, là, il est de ce côté-là du Jourdain. OK? Le Jourdain est ici. Là. Israël est ici. Au début, en jaune, je ne sais pas si vous le voyez bien, en jaune, c'est le territoire que les Nations unies ont donné à Israël. Puis il y avait même des petits passages ici, là, pour qu'Israël ait le droit de passer, pour pouvoir aller, les Israélites, on va dire comme ça, là, puissent... Ça, c'était le territoire d'Israël. Là, il y a eu une guerre, et ils ont pris ce qui est en bleu. Puis après, il y a eu une autre guerre, et ils ont pris ce qui est en blanc ici. OK? Fait que le Golan ici, le côté ouest, tout ça, là, c'est Israël qui le contrôle, mais c'est contesté. Ils sont tout le temps en conflit, etc. Ici, au centre, les Nations unies s'étaient réservées un espace, mais dans la guerre des six jours, en 67, je pense, Israël a tout pris. Fait que maintenant, Israël gère, mais il n'est pas maître chez lui encore. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps? Ben, on va le voir. On est en train de le vivre. On est dans cette époque-là. Mais Ézéchiel fait une prophétie, a une vision de Israël avec Christ. Oups. Fait qu'on voit le territoire qui change. La vision d'Ézéchiel, elle est terrestre. Est-ce que vous voyez le pays, là? Les tribus ne sont plus distribuées comme du temps de Moïse, quand distribuées. C'est toutes des bandes de terre qui vont de l'Orient à l'Occident, un au-dessus de l'autre. Ils sont toutes là, les tribus. OK? Ils sont du côté de la terre promise, entre la mer Salée et la mer de Galilée. Le Jourdain est ici. Ils sont toutes là. Ce qui est intéressant, c'est que les Lévites, maintenant, ne sont plus, dans la vision d'Ézéchiel, ne sont plus dispersés, mais ils sont ici, dans un carré là, qui va de la mer jusqu'au Jourdain. Ils sont dans un carré. Et ici, est-ce que vous vous rappelez? Ouais. Dans le désert, vous vous rappelez là, comment il était positionné? Bien, dans la ville de Jérusalem, dans la vision d'Ézéchiel, la ville, ici, je l'ai mis à droite, là, la ville, c'est un carré avec des portes. Il y a trois portes au nord, trois portes à l'ouest, trois portes à l'est, trois portes au sud, avec les noms des 12 tribus d'Israël. Et dans la ville, il va y avoir un espace réservé pour le prince d'Israël, qui est Jésus. Ça, c'est pas arrivé. On n'a pas vu ça. Est-ce que ça va? Mais ça, c'est ce que Ézéchiel, Dieu a montré à Ézéchiel pour que nous, on sache. Fait que quand je retourne ici, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on est sur le même territoire. Pendant 2000 ans, en passant, Israël n'existait pas. Depuis 1947, Israël existe, reprend son territoire. Mais ce que Dieu promet, c'est que le territoire va être redivisé selon les tribus. Jérusalem existe toujours. Les Lévites sont maintenant rassemblés sur ce territoire-là et ils ont une fonction, celle de la gloire de Christ. Et la ville est comme ça. Maintenant, ce qu'on sait aussi dans Apocalypse, et là je vais aller là, Apocalypse 21 décrit la nouvelle Jérusalem. Et quand il décrit la nouvelle Jérusalem, il en donne la grandeur. La différence avec la nouvelle Jérusalem qui va descendre, c'est comme un bijou d'une beauté éternelle, mais les dimensions ne sont pas un carré, mais c'est un cube. OK. Mais il dit qu'il y a 12 portes, 3 de chaque côté, avec les noms des 12 tribus. Les noms sont importants. Dieu a nommé les tribus, il les a choisies, il y a un but, et il a fait une promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob, et il maintient sa promesse est éternelle. Et en plus de ça, les fondements de la ville, il y a 12 fondements et c'est les noms des 12 apôtres. Fait que ici, les 12 apôtres, tu as Jacob avec les 12 tribus, tu as Jésus avec les 12 apôtres. On peut-tu dire que nous, on est du peuple de Dieu? Hein? Fait que cette ville-là, on est là. Et Apocalypse 20 dit que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais aussi, c'est écrit qu'il va nous donner une pierre blanche sur laquelle il écrit un nouveau nom. Alors là, demandez-moi pas c'est quoi, je ne sais pas. Mais on va avoir un nouveau nom, un nouveau corps, incorruptible, un nouveau nom, puis on va passer l'éternité avec le Seigneur. Fait que c'est intéressant de lire la Genèse, de comprendre ce qui se passe, c'est intéressant de lire l'Ancien Testament, absolument, parce qu'on voit la fidélité de Dieu dans ce qu'il a promis, puis ce qu'il a fait, ce qu'il est encore en train de faire, puis on a l'assurance qu'il va finir s'il a commencé. Ça va? Alors, pour nous, pour ceux qui ont cru, qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui croient en son nom, a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. On a été adoptés. Hein? Vous avez reçu, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel on peut dire à Dieu, Père, Papa. Il nous connaît personnellement, chacun, par notre nom. On a été prédestinés à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. On est co-héritiers avec Jésus. Fait que, tu sais, on revient souvent à ça dans peu importe les textes qu'on regarde, qu'on peut bien avoir de la misère dans le monde dans lequel on vit, etc. Là, mais c'est pas là qu'il faut avoir les yeux. Il faut avoir les yeux sur la finalité. Et Jacob, là, il a eu la vie dure. Mais la fin de sa vie, c'est une bénédiction. Là. Et c'est l'abondance. C'est la bénédiction totale. Là. Écoute, en fait, il, Jacob, par le fait que son fils domine, Jacob domine. Et nous, on va dominer aussi avec Christ. Bien qu'il est notre Seigneur, il nous a fait ses égaux, dans un sens. Donc, je reviens avec le texte de départ. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il faut y réfléchir, là. C'est le fun de le chanter, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est souverain. Et c'est lui qui nous a fait. En plus, là, il a fait tous les humains, il a fait toute la création, mais la création va passer. Puis tous les humains qui ont rejeté Christ, on ne dira pas qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure, ils vont passer une mauvaise éternité. OK? Mais nous, là, on sait déjà que ce que Jacob a vu les 17 dernières années de sa vie, là, c'est rien comparativement à ce que nous, on va avoir. Fait que, est-ce qu'on peut regarder les yeux à bonne place? Et je répète, si vous ne connaissez pas Christ de la bonne façon, tournez-vous vers lui. Si vous le connaissez, ben, mettez votre confiance en lui. Amen.